Here Comes the Rain Again par Eurythmics, auquel je me suis amusé plus ou moins adroitement à mixer la reprise faite par Human Tetris. Pas sûr que l'expérience soit réussie, mais trop tard pour avoir des regrets, j'ai déjà tout envoyé en salle. Pour me faire pardonner de vous avoir peut-être arraché les oreilles, je vous offre pour la seconde semaine consécutive le nouveau titre de Spoon, The Hardest Cut, sur RVR. Took off in the dead of night, but before you did, got your hair combed right. Yeah, the neighborhood watch knows the score, and they're knocking at your door. Let them knock some more. They're saying you need a little protection. Lucifer and the Sofa, c'est le dernier album de Spoon dont j'ai ici le titre que l'on vient d'écouter, qui est peut-être le seul morceau de l'album que j'aime bien. À vous d'aller gratter et chercher pour vous forger votre avis. Par contre, pour ce qui arrive, j'estampille Pop and Rock sans même vous demander. Thank you. Le frangin White, quand il fait des infidélités, ça donne notamment le Steady As She Goes qu'on vient d'écouter jouer avec les Raconteurs. Ça donne aussi deux albums qui sont en train de sortir et des concerts pour lesquels il faut un voire deux bras pour acquérir le sésame permettant de voir le Jack en vrai. Dommage. Pour nous consoler, vous prendrez bien une double dose de Posies. Understand. The Posies, franchement, j'aime ce pop-rock made in Bellingham, 13e ville la plus grande de l'état de Washington et patrie donc de The Posies. Mais trêve de géopolitique, dirigeons-nous à présent vers la première nouveauté du soir pour 9 minutes et 35 secondes du nouveau Marillion. Silence, génie en visite sur RVR. Across the field. Vous n'avez pas aimé les 9 minutes 35 qui viennent de s'achever, Marillion a aussi produit ça, rappelez-vous. Is it too late to say I'm sorry? And Katie, Le nouvel album de Marillion vient donc de sortir au début de ce mois de mars, album conceptuel dans lequel Marillion semble s'interroger sur l'homme et la société qui pourrait bien s'enfoncer dans des ténèbres au fond desquelles je suis certain de trouver Sonic Youth. We'll be right back. souvent dans notre Pop & Rock sur RVR, je vous répète que notre mission n'est pas de faire comme les autres en vous programmant le dernier Red Hot ou encore le mauvais dernier U2 du jour. On se force ici à se confronter, se chercher et gratter. Et ce faisant, j'ai trouvé le dernier album d'un groupe plus artiste que simple rocker, Grandval, groupe français qui vient de sortir son dernier album Au Feu, dont j'extrais deux titres, Fin de partie et Tout de suite Il neige encore. S'est abattu sur la plaine, bise glaciale qui en serre son front. Le ciel fait ses glaçons. Passe et qui traîne, la fêlure creuse des sillons sur ses joues, sa peau d'amadou. Ouh, il neige encore, pour combien de temps? Triste record, seule dans son salon, elle compte les saisons. Oh Dieu, qu'il fait froid dehors, elle tremble à l'intérieur. Oh, comme l'envers de Thermidor. Vacille la lueur qui réchauffait son cœur. Perdue dans son giron, elle s'éteint pour de bon. Ouh, adieu qu'il fait froid dehors, et il neige encore. Suprême battement, pour combien de temps? Image finale d'un messie d'or. Le tic-tac dans sa boîte, c'est la fin des printemps. T'envolent les flocons, recouvrant le chemin. Oh, il fait pourtant si froid dehors, et il neige encore. Que c'en est douloureux, mais pour combien de temps? Oh, mille milliards de mille sabords. Le verre de ses yeux raconte un temps heureux. seconde découverte du soir dans Pop and Rock sur RVR, on écoute les Français de Grandval. We'll be right back. vous n'avez pas aimé les Français de Grandval, c'est dommage, mais pas grave, car pour se rabibocher, rien de mieux qu'un bon smashing. Déjà 50 minutes de passer ensemble et juste 11 titres de jouer. Il va malgré tout être bientôt le moment de vous foutre la paix. C'est donc l'heure de secouer encore un peu plus vos neurones, The Slaves. Already dead, already dead, already dead. terre. Pop and Rock, c'est fini. Rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous.